De Louis XIV, quoi.

la la la la la la la la la la. ruse. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Je vois la même chose avec ça.